Chapitre 15. Felton continuait d'être très assidu chez Faustin. Elle l'avait informé de la résolution prise par Charlotte. Le baron avait tout approuvé. « Eh bien, avait-il dit, je ne suis pas fâché qu'elle s'éloigne et que je ne puisse plus la voir. Cela m'aide à me résigner. Je m'habitue plus facilement à l'idée de la perdre. Il n'y a rien de tel qu'une bonne certitude. « Bravo, monsieur le baron, avait répondu Faustin. Voilà qui s'appelle montrer du courage et de la franchise. Oh, du courage, il en faut. De la franchise, on en montre généralement quand on n'a rien à perdre ou à espérer. Comme je vous le disais, rien n'est tel qu'une bonne certitude. » À ce langage et à cette manière de penser, Faustine reconnaissait l'influence de Mario. C'était Mario qui avait enseigné à son mari à se roidir contre les coups du sort. Elle faisait des vœux pour que Clément trouvât dans ses heures d'affliction un ami pareil, car elle sentait bien qu'elle ne pouvait plus exercer aucun empire sur ce jeune homme. Depuis sa dernière incartade, elle ne l'avait pas revu. Il avait disparu sans laisser aucune trace. Personne n'en avait entendu parler. On croyait même qu'il avait quitté Dresde. Faustine, cependant, hésitait à admettre cette supposition. Un instinct secret lui disait que Clément ne pouvait ainsi se séparer d'elle sans chercher à obtenir son pardon. Mais où se cachait-il? Errait-il la nuit autour de sa demeure? Épiait-il ses démarches? N'avait-elle pas tout à craindre de cet insensé? Telles étaient les idées qui tourmentaient Faustine. Ses nerfs devinrent irritables au dernier point. Si elle entendait marcher dans l'antichambre et qu'elle ne reconnut point d'abord le bruit des pas, elle tressaillait et était toute tremblante. Quand Mangan était à ses côtés, elle avait honte de ses puériles terreurs et elle n'osait pas lui en faire confidence. Encore moins, se serait-elle hasardée à le charger de prendre des informations au sujet de Clément. Elle redoutait par-dessus toute chose d'amener une rencontre entre ces deux hommes. Elle savait combien l'un était fier et susceptible, combien l'autre était violent et impétueux. Ce fut à Felton qu'elle s'adressa. « Tâchez de savoir où il s'est retiré et voyez-le, » lui dit-elle, en terminant ses recommandations à ce sujet. « Quant à moi, je ne puis rien faire. La moindre marque d'intérêt ou de sympathie de ma part exalte ses espérances jusqu'à la présomption et m'attire ensuite les scènes les plus fâcheuses. Parlez-lui en votre nom seulement et gardez-vous bien de paraître envoyé par moi. » Felton, qui avait besoin de se distraire, accepta volontiers cette mission. Le lendemain, une lettre que Faustine reçut d'Andlau en réponse à celle qu'elle lui avait écrite pour l'intéresser à Charlotte, mit le comble à sa perplexité. Andlau examinait cette affaire avec l'œil de la froide raison et la discutait dans des termes qui choquèrent vivement l'ardente jeune femme. « Il y a des choses, disait-il, sur lesquelles on ne peut de loin asseoir un jugement et prendre une décision. Vous vous passionnez trop vite pour que je ne me défie pas de votre engouement. Vous-même, vous devez vous en défier. Êtes-vous sûr que né aujourd'hui, il durera encore demain? Êtes-vous bien certaine que cette Charlotte mérite en tout point la bonne opinion que vous avez conçue d'elle? J'avoue que je la connais peu. Je n'ai d'elle qu'une idée assez confuse. Mais c'est une grave affaire que de la placer dans une famille et de se charger d'une telle responsabilité. Il faut y penser à deux fois, car cette responsabilité est double et nous la contracterions aussi vis-à-vis des parents de Mademoiselle von Stein. Une autre considération me frappe, c'est qu'on a toujours tort d'intervenir dans ces querelles de famille. On n'en recueille le plus souvent que de l'ingratitude ou de la haine. Vous auriez agi avec plus de prudence en observant une complète neutralité. Je n'ai donc fait aucune démarche à cet égard. Mon avis est que vous et moi, nous devons soigneusement nous en abstenir. » Faustine froissa cette lettre avec dépit. Les sages raisonnements d'Andlau la désespéraient. Pour la première fois, elle l'accusait de froideur, de négligence, d'égoïsme. Elle était mécontente de lui. Elle était mécontente d'elle-même, car elle se reprochait le sentiment tout nouveau dont elle était agitée. Elle avait compté sur le baron. Ce secours lui manquait, et le sort de la malheureuse Charlotte était plus que jamais à plaindre. Comme Faustine se livrait à de tristes réflexions, la porte s'ouvrit, et Mangan, tenant une lettre à la main, se précipita dans l'appartement. « Voilà la réponse, elle est favorable. Ma mère a envoyé son vieux serviteur pour accompagner Charlotte dans son voyage. Elle la recevra avec plaisir. Êtes-vous contente ?» En parlant ainsi, il remit la lettre à Faustine, et s'agenouilla devant elle pour mieux suivre l'expression changeante de sa physionomie. « Mengen, » dit la comtesse après l'avoir lu et avec un accent impossible à rendre. Et plaçant une de ses mains sur son cœur, elle tendit l'autre à Mario, qui la pressa longtemps avec ferveur, mais sans détourner les yeux du visage de Faustine. À la fin, il posa ses lèvres sur la main charmante qu'on lui abandonnait. Le jour même, Faustine envoya un express à Charlotte pour l'informer de cette bonne nouvelle.